rentrer dedans par simple plaisir. M'a pas forcé à saisir un mic. Avant de ramer, fallait que je trouve un bateau dans lequel me mettre. Car seul, je me demandais combien j'allais faire de kilomètres. Poussé par l'envie d'écrire, d'émettre des choses vraies, les délivrer sur fond sonore. Petit à petit, j'suis tombé dedans. J'suis tombé dedans comme on tombe dans le pédo, dans la tise. Maintenant que je m'exprime clairement derrière un micro, j'veux niquer ce piste. En restant, j'dis dans la tête bouffon. On dit que la street est ce putain de mou. Mais beaucoup se découvrent. Moi, j'ai mes textes, mon flow. Mais t'inquiète, j'fais ce qu'il faut. Quand tu donnes pas, négro, t'attends pas à recevoir. M'a fallu peu de temps pour m'en apercevoir. Dans mes raps, j'fais en sorte de ne pas décevoir ceux à qui j'ai dit mes premiers mots. J'suis pas amnésique. Frérot, j'ai rien oublié. J'pousserai la vérité dans la zik. Même si pour certains, sera saoulant d'entendre. C'est réellement nos vies que je raconte. Celle de nos ghettos, là où les gens la traitent de chienne. J'vais pas m'éprendre ni me pendre. J'suis conscient qu'il y a peut-être pire que ça qui m'attend. Au tournant de la rue, faut que j'parte vite, mais bien. J'ai besoin de soutien comme des gros nichons. Pas de la part des chiens. Les langues de pute prennent ce son comme un god. La vibe écoute, tu vas le savoir maintenant que t'y goûtes. Ici, c'est à nous de représenter. 9-3 jours depuis l'époque datée. Saurais tu péter un putain de ghetto prodige. J'aille le sait, j'suis venu prendre la place de personne. Juste faire la mienne avec le place de mon ghetto sur mon dos. Faut que j'fasse mes trucs bien. Inch'Allah, j'partirai dignement. Fixé sur le beat comme sur le bitume. Mon histoire se résume à ces mots-là. J'veux ma somme, c'est tout. On s'habitue pas à être sans tu à ce niveau-là. Y'a plus de mots. Là, y'a plus de là, y'a plus de mots. Fixé sur le beat comme sur le bitume. Mon histoire se résume à ces mots-là. J'veux ma somme, c'est tout. On s'habitue pas à être sans tu à ce niveau-là. Y'a plus de mots. Là y'a plus de mots. Bitume, ça rend ouf. L'atmosphère de la cité m'étouffe. J'ai besoin de changer d'air. Mon secteur, je le connais par cœur. Mais je pourrais pas dire ce qui se passera demain. Frère, je galère. Pourtant, j'ai un cerveau de pied et de main. Pas menotté. Et rien qu'avec ça, je devrais vite faire du fric à ma fin de construire. Mais sans but délimité, même avec une carte d'identité. Peux-tu me dire le contraire? Après l'école ou le boulot, on se retrouve où? À les roues, à décapsuler. Les autres jadaï, moi après le travail, j'ai besoin de décompresser. Système me stresse. Je me sentir utile, mais pas pour des restes. Je ferai partie de ces gens qui gagnent l'oseille dans ce qui les intéresse. J'assume ma vie sur le bitume, mais tu sais pas à quel point je veux me tirer. Si je pouvais, j'amènerais tout ce que j'ai à prendre et la laisserais à poil. Puis moi d'abord je suis pas né hal, dois faire en sorte d'aider les remparts. Et rien que ça, ça me rend fier de leur donner ce bifton pas sale. Les gens me jugent mal, à vrai dire je m'en bats. Tant que mes géniteurs ne me renient pas. Je me répète, je suis pas né dans la rue. J'y ai seulement grandi, et Inch'Allah je mourrai pas dedans. Pas commentaire dans ce pays où c'est classe d'antan. Théma, j'aime le bordel qui fout. Et beaucoup de défoncés le suivent et les aident à détruire ce qu'ils aiment. La dérive, la déchéance sur ma rive. Et en force, c'est les petits qui arrivent. Fixé sur le beat comme sur le bitume. Mon histoire se résume à ces mots-là. J'veux ma somme, c'est tout. On s'habitue pas à être sans tu à ce niveau-là. Y'a plus de mots. Là, y'a plus de là, y'a plus de mots. Fixé sur le beat comme sur le bitume. Mon histoire se résume à ces mots-là. J'veux ma somme, c'est tout. On s'habitue pas à être sans tu à ce niveau-là. Y'a plus de mots. Là, y'a plus de là, y'a plus de mots. Fixé sur le beat comme sur le bitume. Là, y'a plus de là, y'a plus de mots. Sur le beat comme sur le bitume. Là y'a plus de mômes.